Now let's make some critical value. direction de Paris Gare de Lyon à 13h04 avec le TGV nuit numéro 6258 depuis la voie D comme Didier. Pour les voyageurs de quittant dans le hangar de Perpignan, nous vous rappelons que votre titre de transport doit être conservé jusqu'à la sortie de la gare et avant de descendre, assurez-vous bien d'avoir toutes vos affaires personnelles avec vous et de ne rien laisser à votre place. L'agent Occitanie SNCF et son personnel de bord vous souhaite une agréable journée. Et je vous rappelle que notre train est à destination de Pambou et repartira de la gare de Perpignan à 12h55. Prochaine gare d'arrêt, Perpignan. Prochain arrêt, Perpignan. Thank you. des JVC, je sais pas quoi, bon bref. Ouais. Et je me suis connecté. Ouais. Et j'ai remis du pédale. Ouais. C'est quoi ce tenir? Oui, elle disait ce matin, je sais pas si c'était. Après, quand je sortais, je regardais autour de moi et je m'as vu. Je sais pas. Ça faisait 3-4 fois qu'ils s'affichaient le message. Je comprends pas les... Je comprends pas, ça marche pas. Je comprends pas. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage et vous souhaitons une bonne fin de journée. Thank you. Thank you. Okay.